dans les plis du désert, là où même le soleil se cache, Red Skull marche, ni dieu ni maître, seulement l'appel brûlant du sable. Chaque grain de poussière connaît son nom. Il ne parle pas fort, le désert l'écoute et les ombres le suivent. Son stream est qu'un signal. C'est un feu de camp dans le néant. Une voix dans la tempête numérique. Rider Skill éclaire les perdus. Donne un rythme à ceux qui doutent. Rider Skill. Celui qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Celui qui parle. Parle pour ceux qui n'ont plus de mots. Dans les dunes de données, il est la trace qui reste. Il tend le micro comme une offrande. Chaque viewer devient témoin. Chaque viewer devient tribu, et quand le monde s'efface, il reste la vibration. Hey, this kid.